bénéfice. Gang gang, bénéfice. Première pensée, toujours primitive. Générer du bif, c'est pas difficile. Jour de paix, danse comme Billie Jean. Aïe aïe, plaisir illicite. Timide, je deviens émotif. Je regarde le ciel, c'est motif. Aïe, à chaque instant, c'est possible. Mais à chaque instant, l'emoji pleure. Que de la violence sur le moniteur. Ça touche les gosses comme les moniteurs. L'argent, ça démolit le cœur. Quand ça manque, ça démolit le cul. Suce pas pour plus de pécule. J'y bats dans mes bottes, y'a plus de PQ. Merde, primitif. Putain, ce que je suis primitif. Mort vivant comme les Didi. Tu fais un milliard comme P. Didi. Y'a que les nuages qui limitent. Je fais gaffe, y'a des gosses qui m'imitent. Enfoiré, t'es si fini. Tu mérites la syphilis. Parle pas de maléfice lorsque t'as merdé, lorsque le mal est fait. Wesh le tavernier, je vais prendre l'allée feu jusqu'à me flinguer la vessie. Arrêtez les larmes, c'est pathétique. Arrêtez de vivre dans une tragédie. Visez autre chose que les ascétiques. Avec la conso dans les athémies. J'dogging synthétique, putain jogging synthétique, ouais. Produit synthétique, fossile synthétique, tous deux synthétiques, sauf mon profil atypique. Qu'importe le cas, je suis pacifique. Suis-je le seul érudit du carré VIP? J'vois les rubis quand on s'affilie et le continent mu dans le Pacifique. Wow, tant qu'à vue tombe comme un end spinner. J'ai fait mon destin sans Ghost Reader. Ta bouche à nos drive quand la dope circule. Je crache la fumée, ça fait des crop circles. C'est quoi ce monde qu'on laisse à nos petites sœurs? Une grosse bite sur un post-it et des tournements de fond dans les gros titres. Non. J'suis de la nouvelle civilisation. Tu vas finir à la rue, c'est la meilleure intimidation. T'en oublierais ton élévation. Mais fuck cette merde, je vais bosser sec. Que bien avant mes 37 piges, je sois proche des maîtres avec une breadline. Je ne répète que la prophétie. Primitif, j'suis encore trop primitif. J'mange des animaux sur tes amigos, j'pisse comme un vrai parigo. Vodka paquito pour paniquer ces clowns, échapper du chapiteau. Globe des yeux comme Stabilo, ça gobe des queues comme Haribo. J'maîtrise la chimie ainsi que l'alchimie, j'suis dans le sashimi. Suffit que je pense à ta mine, j'essaye vers moi ta mine, j'achemine. J'tacle à la gorge, pas à la cheville. J'retourne ni ma veste ni ma chemise. J'peux pas lâcher tant que j'suis pas chéri. Je cours après le temps, je marche vite. J'vais m'envoler, là je vibre bas. Je n'en veux à personne, c'est moi qui me retarde. Soit je fais le million et j'me tire de là. Soit c'est la CIA qui me criblera. J'écris ce rap comme un cri de rage. Ça sent la guerre dès la prise de voix. Passons même quand je veux donner de l'amour à les prises de spasme. Primitif, j'suis encore trop primitif. Primitif. Primitif, je suis encore trop primitif. Primitif. Primitif. Primitif.